arrivâtes. Il faisait beau, il faisait beau. À l'enterrement de Marie-Yvonne, j'ai cuisiné la poule au pot. Et moi, il faisait 13 à l'enterrement de Marie-Thérèse. J'ai cuisiné les potes au lait. Et moi, et moi, et moi, et moi, à l'enterrement de Marie-Christine, il faisait triste, il faisait triste. À l'enterrement de Marie-Christine, son mari sentait